comme les phoques et les otaries. C'est qu'on a dit oui. Alors, Tartare, qu'est-ce que tu chantes? Qu'est-ce que chante? La Marseillaise, un petit poisson, un petit oiseau, ça me garde tendre. Comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Trouver. Ah, bah, bon, allô. Comment ça dans les lieux, c'est ta faute? Ah.